بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد، سائلين الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الطوائف لما قال: منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبودهم أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. Donc, on va continuer, Inch'Allah, sur la lecture du livre de l'unicité à l'état pur. Et donc, hier, on avait mentionné, lorsque l'auteur cite des formes d'adoration vouées à autre que le Créateur, Subhanahu wa Ta'ala, et il détaille bien ces diverses adorations autres qu'Allah, Jalla wa Ala. Et pour cela, avec cela, on peut comprendre beaucoup de récits qui sont mentionnés dans les livres célestes, dans les livres descendus par Allah, Subhanahu wa Ta'ala, en l'occurrence, le noble Coran, le saint livre, le noble Coran, lorsque Allah, Subhanahu wa Ta'ala, nous relate l'histoire de différents peuples qui ont adorer des fausses divinités. Et l'auteur, pour cela, il dit, et donc il enseigne que l'adoration de fausses divinités varie. Donc elle varie. Parmi eux, ceux qui ont adoré Manyarbud Ajza Samawiyya, qui ont pris des idoles célestes, dans une traduction rapprochée et relative. Comme Misl Ubad al-Kawakib wa al-Shams wa al-Qamar wa al-Nujum. Et cela, comme par exemple, ceux qui étaient adorateurs, par exemple, des astres, des planètes, du soleil, ou bien de la lune, ou bien des étoiles, ça c'est l'adoration d'idoles qu'on appelle Samawiyya, céleste, d'idoles. Et certains ont adoré des idoles faisant partie, ou terrestres, hein, parmi les idoles de la terre. Par exemple, c'est ceux qui se sont adonnés à la pratique de l'adoration de statues, par exemple, de asnam, de pierres, ou d'arbres, ou de tombes, ou bien de mausolées ou autres, ou de lieux, de rochers, par exemple. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. Et parmi eux, ceux qui considèrent que leur idole et leur divinité est la meilleure des idoles et la plus bénéfique des idoles. Dans le sens كل واحد يدعي أن معبوده أكبر الآلهة. C'est pour ça que chaque partisan de cette idolâtrie, chaque idolâtre considère que sa divinité est la meilleure et que sa divinité est plus grande que d'autres divinités. فكل واحد يدعي أن معبوده أكبر الآلهة ويفتخر به على الآخرين. Et donc, celui-ci va se vanter par rapport aux autres, va se vanter de son idole et de sa divinité. فكل يدعي أن معبوده من الجن والإنس والشجر والحجر والكواكب أَنَّهُ أَحْسَنْ مِنْ أَلِهَةِ الْآخَرِينَ. Et donc, ceux qui, par exemple, adorent des djinns, ou bien des humains, ou bien un arbre, ou une pierre, ou une planète, ou une constellation, un astre, tous pensent que leur divinité, leur idole est meilleure que les autres. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran nous dit que Shaitan leur a embelli, enjolivé leur pratique, leur action. Donc c'était embelli à leurs yeux et chacun pense donc que son idole est meilleure que l'autre. Et parmi eux, من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به قال إذا خص هذا المخلوق بعبادته واعتنى به فإن هذا المخلوق يعتني بمن عبده. Et d'autres considèrent et dit et justement les idolâtres considèrent que lorsqu'ils vous adoration à cette créature, le fait qu'il voit adoration à cette créature, eh ben, que cette idole-là ou cette fausse divinité-là va prendre soin de celui-ci et va avoir une intention particulière pour celui-ci, pour celui qui lui voue adoration. Donc ça, c'est la parole de l'auteur. Donc, il cite différentes tendances. Si vous voulez. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني. Et parmi eux, ceux qui considèrent que leur idole inférieure mène vers la supérieure, qu'il y a un degré, qu'il y a des degrés. Il y a celle qui est الأدنى, celle qui est inférieure, en bas degré, et mais celle-ci, cette idole-là, cette fausse divinité-là, mène vers الفوقاني, celle qui est au-dessus, c'est-à-dire supérieur. Et al-fawqani, et donc de ce fait, celle qui est supérieure ensuite va le mener, c'est-à-dire celui qui s'adonne à cette pratique, vers celle qui est encore plus haute. Vers celle qui est encore plus haute, jusqu'à ce que la dernière divinité va le mener, il pense et il considère que cette dernière, celle qui est la plus haute, va ensuite le conduire vers Allah. Vers Allah subhanahu wa ta'ala. أي ومنهم من يعترف أن معبوده أدنى كالذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات يقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولكنهم يقربوننا إلى الله عز وجل فيشفعون لنا عند الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et donc, lorsqu'ils, par exemple, certains adorent des astres ou des arbres ou des morts, des défunts, lorsqu'ils les adorent, ils disent nous savons très bien que cela ni ils ne peuvent nuire ni ils ne peuvent accorder profit, لَكِنَّهُمْ يُقَرِّبُونَنَا إِلَى اللَّهِ. Mais le bénéfice, c'est qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ils nous rapprochent d'Allah. Donc, ceux qui ont cette conviction-là considèrent que celui qui accorde profit et peut nuire, c'est le Créateur, c'est Allah Azza wa Jalla. Mais que la fausse divinité peut les conduire et intercéder et être l'intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous cite notre créateur dans un verset du Coran, dans le passage, dans le verset 18 de la sourate Yunus, lorsqu'Allah azza wa jalla dit « Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur accorder profit. » Wa yaqulun, en disant que ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Vous avez vu, c'est dit clairement, c'est stipulé clairement dans le Coran. Donc, certains adorent des fausses divinités, pas en pensant que celles-ci, elles ont le pouvoir de nuire ou d'accorder profit, pas forcément qu'ils ont la conviction qu'elles accordent profit ou qu'elles puissent nuire, elles n'ont pas ce pouvoir, mais le pouvoir qu'elles ont, c'est quoi ? C'est d'intercéder et d'être intermédiaire entre le serviteur et son créateur, c'est-à-dire Allah. Donc il considère que l'adoration d'une tombe, par exemple, peut mener vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ces versets, c'était, à l'époque, ça nous relatait la situation des polythéistes arabes et des polythéistes du temps du prophète, sallam, comme c'est toujours de vigueur, avec beaucoup qui s'adonnent au culte des morts de notre communauté. De notre communauté. N'avez-vous pas remarqué, comme on l'a déjà stipulé, que l'auteur s'adresse aux gens de son époque? L'auteur, l'imam Taqiyuddin al-Maqrizi, on a dit que c'était un savant du... quel siècle? Du 9e siècle. Arsène, mi-9e siècle. Et donc, on a dit qu'à la base, il était en Égypte. Donc, il était dans un pays musulman. Et il s'adresse donc aux gens de son temps, aux gens de son époque. On a, après le 9e siècle de l'Égypte. Vous avez vu ce qu'il leur dit? Vous avez vu le rappel qu'il fait aux gens de son époque? Ça nous laisse ici à comprendre, à s'imaginer le contexte de l'époque. Il rappelle aux gens de l'époque, on est dans un pays musulman, c'est en Égypte à l'époque, il rappelle aux gens de son temps, au 9e siècle à l'époque, il rappelle des bases essentielles de la religion. Regardez le discours et ce qu'enseigne l'auteur aux gens de l'époque. On verra que plus tard, au 12e siècle, l'auteur du livre de l'unicité, l'imam al-Muslih al-Mujaddid, ça sera le même rappel qu'il va faire aux gens de son époque. D'autant plus que ce rappel sera fait aux gens vivant dans la péninsule arabique et surtout aux gens qui vivent dans la Terre Sainte. Imaginez-vous, Mecca ou Al-Médina. Et donc, on voit que le contexte avait était différent que celui de l'époque du prophète et des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si ça n'existe pas, pourquoi l'auteur écrit cela aux gens de son temps? Si dans sa société et dans l'époque dans laquelle il vit, dans ces pays musulmans, il n'y a pas de polythéisme fi rububiyya, lié à l'unicité de la seigneurie. Il n'y a pas de polythéisme lié au domaine de l'adoration. Il n'y a pas ce genre de légende propagée dans la société. Alors pourquoi il l'écrit de cette manière? On voit bien que la manière dont il l'écrit, c'est que ces choses-là qu'il est en train d'évoquer, le rappel qu'il fait, c'est que c'est présent. Comme on voit lorsqu'on lit les écrits de l'imam al-Muslih, comme le livre de l'unicité, les trois fondements, on voit que lorsqu'il s'adresse aux gens de son temps, il y a un problème au niveau de l'unicité. On voit bien qu'il y a un réel problème au niveau de l'unicité. Donc ça nous permet aussi de déduire. Qu'est-ce qu'on déduit? Si le lecteur lit ces lignes, et pour lui, tout semble clair, que ce qui est enseigné, c'est clair. Il n'a pas du mal à y adhérer, le discours est clair, c'est le monothéisme pur. Alors, il faut remercier Allah Azza wa Jal. Parce que qu'est-ce qu'on comprend? Beaucoup de gens de son temps, ça ne l'acceptaient pas. Des musulmans, on parle de là, l'auteur s'adresse ici aux gens de son époque, dans sa société de musulmans. C'est-à-dire que ça, il l'écrit, pourquoi il ne peut pas mentionner les références, attribuer les paroles à ceux qui l'ont dit? Vous savez que chez les savants, c'est très important d'attribuer lorsqu'on on prononce ou on cite une parole, d'attribuer les paroles à leurs auteurs. Vous savez, chez les ulama, ça c'est très important. Et ils éduquent Tullab al-Ilm à toujours, toujours attribuer les paroles à leurs auteurs. Ça c'est très important. Lorsqu'on dit une parole, de l'attribuer à l'auteur de la parole. Telle personne, tel shir, tel grand théologien, tel grand savant a dit telle parole. Ça c'est très important. L'attribuer à l'auteur, et si par exemple il y a une référence, c'est dit dans un livre, dans une conférence ou autre, dans un écrit, dans une œuvre, de citer les références. En tout cas, d'attribuer les paroles à leurs auteurs, ça, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel chez l'ulama. Et c'est une éducation qu'il donne au tullab de faire cela. Ici, l'auteur, s'il ne cite pas les références, c'est-à-dire, par exemple, souvent c'est Bulqayyim, par exemple, et des passages souvent c'est tiré d'écrits de paroles d'Ibn Qayyim. S'il ne cite pas, ça veut dire aussi, ça rajoute qu'à l'époque, le contexte faisait qu'il était préférable de ne pas le citer. Donc les savants disent dans l'explication de l'œuvre, ils disent c'est volontaire que l'imam al-Maqrizi le cite pas. De même aujourd'hui, dans certains pays musulmans, certains savants relatent des masaïl volontairement. Il ne cite pas le nom de l'imam al-Muslih, l'auteur du livre de l'unicité. Il ne cite pas volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il considère que ce qui est primordial, c'est d'écouter les textes dits et de faire accepter l'idée. Pas forcément d'attribuer à ce moment-là. Donc là, faire la différence dans l'attribution de la parole. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais ici, on profite d'un enseignement. On s'en dit, subhanallah, l'auteur il parle d'unicité de la seigneurie, d'unicité dans l'adoration, il parle des différentes divinités qui ont été adorées, il donne des exemples, pourtant, il faut se l'imaginer, l'écrit, l'œuvre date du 9e siècle. On est dans quelle terre ? C'est un pays musulman. L'auteur est en Égypte. Il est du Caire. Il est du Caire. Donc il s'adresse à des musulmans. Il leur parle de l'unicité de la seigneurie, il leur parle de l'unicité de l'adoration, et on voit dans le style de l'écrit, on voit déjà à l'époque, au 9e siècle, il y a l'auteur, ce qu'il rappelle ici, on voit qu'il y a un problème. Vous le sentez ou pas ? Vous le sentez ou pas ? Dans le style, de la manière dont écrit l'auteur. Vous sentez qu'en Égypte, à l'époque, il y a... Ou non, pour vous, c'est un rappel seulement qu'il fait. Il y a Jamar. On sent, à part si c'est moi qui... On sent là, vraiment, dans l'écrit. Regardez, par exemple, il dit, lorsqu'il va dire, mais quel est le secret, le mystère ? Alors qu'Allah, Azza wa Jal, est le tout miséricordieux, le grand miséricordieux, le pardonneur. Allah, dans son livre, nous informe qu'il est le grand pardonneur, de ne pas désespérer de sa miséricorde. Et d'ailleurs que ceux qui désespèrent de sa miséricorde sont des égarés. Allah nous défend de désespérer de sa miséricorde. Allah nous dit qu'il pardonne tout. Subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, l'auteur dit, mais quel est le secret alors ? Pourquoi Allah ce shirk-là, il ne le pardonne pas ? C'est que c'est vraiment quelque chose alors de gravissime pour le Créateur. Et c'est pour ça que c'est le plus grand péché dans notre religion. Et il fait le rappel d'une manière vraiment très remarquable. Vous allez voir dans ce qui va suivre. Vous allez voir dans ce qui va suivre. Et on voit bien que plus tard, là on est dans les années, on a dit, mi-800, puisque l'auteur est mort en 854. On voit qu'en plus tard, l'imam al-Mujaddid, l'auteur des trois fondements, viendra. Là, on a dit au 12e siècle, là. 12e siècle de l'Hégire. On voit que, pareil, lui aussi, il va écrire des œuvres. On voit que, pareil, il appelle les musulmans. Il enseigne aux musulmans de son époque. Et là, on est dans la péninsule arabique. L'unicité de la seigneurie. L'unicité de l'adoration. Il leur enseigne les quatre règles. Les quatre règles, vous avez vu, c'est lié juste à l'unicité de la seigneurie. Alors si pour nous, par exemple, on lit, et pour nous c'est clair, l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration, alhamdoulilah, alors remercie Allah. C'est ça qu'il faut déduire. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala qui a guidé vos cœurs pour l'acceptation de cela. Pourquoi ? Parce que, semble-t-il, lorsqu'on lit ces écrits, au 9e siècle, au 12e siècle, dans des sociétés musulmanes, dans des pays musulmans, beaucoup de gens ne connaissaient pas ça apparemment. Donc on voit bien que ces sociétés, on voit bien que ce n'était plus le même contexte de l'époque du prophète et des compagnons. Là, on le sent vraiment. On le sent vraiment. On voit bien que, par exemple, chaque époque, les savants se sont concentrés sur le problème du temps, le problème de l'époque. À l'époque, lorsque est apparu l'imam Malik, ou Ahmed ibn Hanbal, plus tard, les élèves, Al-Bukhari, ou Muslim, ou Tirmidhi, ou Nasa'i, eux, ça va être quoi le domaine vraiment qu'ils vont traiter ? L'imam al-Hadith. On est dans une époque, après l'ère des compagnons, où des gens commencent à forger et attribuer des récits mensongers sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit bien que dans les récits, il est dit « Lamma zaharatil fitna » lorsque la fitna est apparue. Comme c'est rapporté de Abdallah ibn al-Mubarak. Il dit « On a commencé à dire aux gens « Sammu rijalakum » lorsque la fitna est apparue, il a dit « C'est là qu'on a commencé à demander al-isnad, talab al-isnad, les chaînes de transmission. » Et de là, les gens devaient citer leurs hommes. Quelle fitna ? C'était quoi la fitna à l'époque ? Ils commençaient à wada al-hadith. Ils commençaient à forger, inventer. Il y avait des inventions, des récits sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, ensuite, parcouraient les contrées pour vérifier, pour aller chercher les différentes narrations, riwayat, etc. Un grand travail ensuite s'est fait pour préserver la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on s'imagine maintenant le contexte du 9e siècle à l'époque en Égypte, où écrit l'auteur, maintenant écoutez ce qu'il dit. Et là vous allez mieux comprendre ce qu'il dit. Donc on continue. Voilà. Donc on s'était arrêté lorsqu'il dit فَنَقُلْ اِعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ تَشْبِئُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ. Dans la version que j'ai, donc il dit فَنَقُلْ اِعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ تَشْبِئُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَتَشَبُّهُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ. Dans la version qu'il y a dans إِفَادَةُ الْمُسْتَفِيدِ, il dit, et c'est cette partie-là qu'on a expliqué hier, فَنَقُلْ اِعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ تَشْبِئِ الْخَالِقِ بِالْمَخْلُوقِ وَتَشْبِئِ الْمَخْلُوقَاتِ بِالْخَالِقِ وَأَمَّا الْأَوَّلْ فَإِنَّ الْمُشْرِكِ شَبَّهَ الْمَخْلُوقَ بِالْخَالِقِ فِي خَصَائِصِ الْإِلَهِيَّةِ وَهِيَ التَّفَرُّدُ Regarde la version ici. قَالَ فَنَقُلْ اِعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ تَشْبِهُ الْمَخْلُوقُ بِالْخَالِقِ وَتَشَبُهُ الْمَخْلُوقُ بِالْخَالِقِ أَمَّا الْأَوَّلْ فَإِنَّ الْمُشْرِكَ شَبَّهَ الْمَخْلُوقَ بِالْخَالِقِ فِي خَصَائِصِ الْإِلَهِيَّةِ وَهِيَ التَّفَرُّدْ بِمُلْكِ الضُّرِّ وَالنَّفْعِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنَعِ فَمَنْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِمَخْلُوقٍ فَقَدْ شَبَّهَهُ بِالْخَالِقِ تَعَالَى وَسَوَّى بَيْنَ التُّرَابِ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ. Dans tous les cas, dans la version ici dans Ifadat al-Mustafid, il cite les deux catégories. Que la base du shirk, il dit, c'est lorsqu'il y a comparaison entre le créateur et la créature, et comparaison entre les créatures et le créateur. Et ça, on l'avait expliqué dans la dernière assise. Sauf que dans le texte, et celle-ci, elle est muhaqqaqa, elle a vraiment été vérifiée, ils sont revenus dans les manuscrits, les anciens manuscrits, elle est vérifiée et elle a été retenue et approuvée, pour ceux qui ont cette version. قَالَ فَإِنَّ الْمُشْرِكَ شَبَّهَ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ فِي خَصَيْصَ الْإِلَهِيَّةِ. Sauf que là, il va rajouter un terme, il va parler de تَشَبُّه, où il y a la différence. Lorsqu'on dit تَشْبِه, et tashabbo. Donc il va citer deux choses. En rajoutant la riwaya ici, on peut avoir trois choses. On a trois choses, trois points, trois faïda. Que la base du shirk, donc parfois, c'est lorsqu'on compare le créateur aux créatures. Comme ça s'est fait dans le domaine, on l'a dit, de Ar-Rububiyya wa Al-Asma wa Sifat. Ou bien, ça peut être ressembler à la créature, comparer la créature plutôt au créateur. On a dit beaucoup cela dans le domaine de Al-Uluhiyya. Et on va voir des exemples et vous allez mieux comprendre. Et on a At-Tashabbuh. At-Tashabbuh bil-Khaliq. Maintenant, on a un troisième terme. Tashbih, Tashabbuh. Tashbih, Tashabbuh. La Tashabbuh, c'est lorsque l'individu lui-même se compare au créateur. Al-Makhluq yatashabbah. Il veut se comparer au créateur. Comme on va voir. Comme l'auteur va le stipuler. Donc on continue à lire, Inch'Allah. On va lire là, maintenant, la parole de l'auteur avec une traduction relative. Donc imaginez-vous que l'auteur parle aux gens de son époque, dans cette société musulmane, il leur dit. Il leur explique les bases du shirk. Vous avez vu, c'est l'origine. C'est lorsque le créateur est comparé à la créature. Ou bien la créature est comparée au créateur. Ou bien la créature se compare au créateur. Vous avez vu les trois choses citées. Qala, regardez ce qu'il dit après. Wa'alam anna khasais al-ilahiyya. Là, il revient maintenant aux particularités de la divinité, de l'adorer. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il revient aux particularités de l'adorer, de la divinité, de l'uluhiyya. Regardez ce qu'il dit. Wa'alam anna khasais al-ilahiyya. Al-kamal al-mutlaq min jami'i al-wujuh. الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له وللشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة يعني الله أنه لا يغفره أبدا ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه وقبح هذا مستقر في العقول والفطر لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واشتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقي وعموا عن قبح الشرك حتى ظنه حسنا ومن خصائص الإلهية أو الألوهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبهه به. الآن يفصل المصنف قال السجود فمن سجد لغيره فقد شبه به ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به ومنه التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به ومنها الحلف باسمه تعظيما فمن حلف بغيره فقد شبهه به ومنها الذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبهه به ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك وهذا من جانب التشبيه وهذا من جانب التشبيه وأما في جانب التشبه ويرجع إلى لفظ التشبه قال فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وإذا كان المصور الذي يصنع صور بيده من أشهد الناس من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما الظن بالمتشبه بالله عز وجل في الربوبية والإلهية فهذا السؤال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. Donc je vais déjà traduire, regardez ce que l'auteur dit. Il dit, sache que, dans une traduction relative, que la perfection absolue, c'est-à-dire absolue, al-kamal al-mutlaq, la perfection absolue, à travers tous les niveaux, tous les aspects de celle-ci, qui n'admet aucune défaillance, aucun défaut, est l'une des caractéristiques de la divinité. Ça appartient à Allah, Azzawajal. La perfection parfaite, complète. Regardez ce que l'auteur va dire. Cela implique d'un point de vue rationnel, religieux et naturel de vouer l'adoration exclusive à l'auteur d'une telle caractéristique. C'est-à-dire celui qui détient cette perfection, le al-kamal al-mutlaq, cette perfection absolue, n'est-il pas celui qui mérite l'adoration ? C'est lui qui mérite l'adoration. Regardez ce que va dire l'auteur, concentrez-vous bien sur le texte. Il dit, cela implique d'un point de vue rationnel, religieux et naturel. Ça, c'est la traduction de trois termes. Aqlan wa shar'an wa 'inda al-fitra. Trois termes. Al-fitra, wa al-aql, wa al-shar'a. Que ce soit au niveau de la raison, ou que ce soit au niveau religieux, ou que ce soit au niveau de la nature innée, al-fitra. La nature innée, ces trois choses prouvent bien et indiquent bien et acceptent le fait que c'est celui qui a al-kamal al-mutlaq qui mérite d'être adoré. Aussi bien la raison l'approuve, aussi bien le rationnel, le textuel, le religieux et la nature innée de l'être humain. L'auteur, regardez ce qu'il dit. Quiconque l'avoue à un autre fait ressembler cet autre à celui à qui rien ne ressemble. Là, il nous explique maintenant at-tashbih. On revient à la comparaison. Celui donc maintenant qui adore autre que le créateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ressembler dans cet aspect-là, ce point de vue-là, cette idole au créateur. Pourquoi ? Parce que le seul qui mérite l'adoration, c'est le créateur. Donc là, il y a du tashbih. Tashbih, al-makhluq bi al-khaliq. On fait ressembler la créature au créateur. Ou si on parle de rububiyya, on peut dire l'inverse. Regardez ce qu'il dit ensuite. En raison du caractère ignoble de cette ressemblance, celle impliquant la plus grande injustice qui soit, celui qui s'écrit la miséricorde à lui-même nous informe qu'à lui-même dit et nous informe qu'il ne pardonne pas ce péché. Regardez, en raison de cette injustice, du fait que on compare le Créateur à ses créatures, on fait ressembler ses créatures au Créateur, en raison de cela, c'est pour ça que c'est une grande injustice. Et c'est pour ça que celui qui s'éteint écrit pour lui-même la miséricorde. C'est qui s'écrit pour lui-même ? Kataba ala nafsihi ar-rahma. C'est qui ? C'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Allah s'est prescrit la miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Allah est le tout miséricordieux, le grand miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, on voit alors que toujours il est en train d'expliquer pourquoi alors il explique aux gens pourquoi le shirk c'est le plus grand péché. Pourquoi dans notre religion c'est le plus grand péché. Regardez ce qu'il dit. Alors il dit, ensuite, la divinité se caractérise également par l'adoration qui repose sur deux choses essentielles comme on l'avait dit. Sur deux choses essentielles. Les deux pôles, comme on avait dit dans le poème de Ibn al-Qayyim. Vous vous rappelez le poème d'Ibn al-Qayyim ? Rayatul Mahabba ou Rayatul Hubb wa al-Dhul. On avait dit l'amour. Rayatul Hubb, c'est vraiment un amour intense, extrême. L'amour extrême, et on avait dit al-Dhul qui est l'humilité, l'humiliation devant le Créateur, subhanahu wa ta'ala. wa ta'ala. Ça, c'est, comme il dit l'auteur, l'adoration repose sur cela. L'amour extrême et l'humilité. Alors regardez, il dit, quiconque la voit à un autre fait ressembler cet autre à Allah dans un domaine où il est le seul à être digne de celui-ci. Le caractère ignoble de cet acte est inhérent à la raison et à la nature humaine, il dit. Cependant, les démons, Shayatin, les démons, Satan, regardez ce qu'il va dire, ont réussi à changer la nature de la plupart des hommes. Ils sont parvenus à les faire dévier de leur religion. Ils leur enjoignent d'associer Allah dans un domaine pour lequel il n'a descendu aucune autorité, aucune preuve Allah Azza wa Jal. Donc vous avez vu, et ici il fait référence à un hadith. Un hadith, il est mentionné dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté dans l'authentique. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني خلقت عبادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. C'est un hadith divin, c'est un hadith qudsi من كلام الله عز وجل. C'est Allah qui dit. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتلتهم عن دينهم. Dans ce hadith divin, Allah Azza wa Jal dit, et j'ai certes créé tous mes serviteurs hunafa. Hunafa, c'est-à-dire ils sont sur al-hanifiyya, sur le monothéisme pur. Regardez Allah, qu'est-ce qu'il dit. J'ai créé tous mes serviteurs, tous les êtres, sur un monothéisme pur. Wa innahum atathum ash-shayatin. Mais c'est les shayatin qui sont venus à eux, et ils les ont détournés de cela. Nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit qu'il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha hadithun qudsi min kalamillahi yarwihi anhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas avec passion, mais c'était la révélation qu'il transmettait. Donc, al-asl, أن الخلق خلقوا على الفطرة السليمة. Donc la base, c'est que les êtres ont été créés sur une nature innée. Et Allah Azza wa Jal, il a créé tous ces êtres, comme il est dit dans le récit, خلقت عبادي حنفاء كلهم. Tous ils étaient حنفاء, sur une nature innée pure. Alors l'auteur ensuite, c'est pour ça, regardez lorsqu'il dit, l'auteur n'a pas cité le récit, n'a pas cité le hadith, mais en réalité, il fait référence. Il fait allusion à ce hadith. Regardez lorsqu'il dit, il leur enjoigne, plutôt il dit, les démons ont réussi à changer la nature de la plupart des hommes, ils sont parvenus à les faire dévier de leur religion, ils leur enjoignent d'associer Allah dans un domaine pour lequel il n'a descendu aucune preuve, aucun argument en cela. Littéralement aucune autorité. Et donc, lui l'auteur, le hadith dont il fait référence est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, le hadith qu'on vient de citer. L'auteur ensuite, regardez ce qu'il dit. Comme nous en informe la personne qui connaît le mieux le créateur et les créatures. Il sous-entend qui ? Comme nous en informe celui qui connaît mieux le créateur et les créatures. Il parle de qui ? Il sous-entend le prophète, Arsène. Il sous-entend le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc on voit bien que l'auteur, il fait référence au hadith. Au hadith qu'on vient de citer, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Alors il dit, comme nous en informe la personne qui connaît le mieux le créateur et ses créatures, l'association ignoble s'est tellement répandue au milieu des hommes qu'elle devint attrayante à leurs yeux. Maintenant, il va donner des exemples. Pourquoi le créateur est comparé ? Et on fait ressembler le créateur aux créatures. Il dit, par exemple, le sujoud, la prosternation. Regardez ce qu'il va dire. La prosternation est une caractéristique propre à la divinité, à l'adorer. Quiconque se prosterne devant un autre fait ressembler cet autre à Allah. Lorsque, regardez, il y a une prosternation qui est faite pour autre que le Créateur, cet autre que le Créateur a été ressemblé au Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle teshbih. Vous comprenez la notion de teshbih? Et là, on est dans teshbih al-makhluq bi al-khaliq, comme il le dit. Cela concerne également al-tawakkul. Al-tawakkul qui fait partie des adorations du cœur. Regardez ce qu'il dit. Qui consiste à reposer sa confiance au Créateur. Par exemple, le serment, le fait de se raser la tête, par exemple, par dévotion. Donc l'auteur ici a cité différentes adorations en disant que celles-ci, lorsqu'elles sont vouées à autre que le Créateur, alors on fait ressembler cet autre au Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, voici donc des exemples parmi lesquels donc on fait ressembler la créature au Créateur. Qala, quant à vouloir ressembler au Créateur, maintenant il parle de quoi? Là maintenant, on a fini de teshbih. Maintenant il dit, quant à vouloir ressembler au Créateur, c'est lié à quel terme ça? C'est lié au terme teshabbuh. On a le terme teshbih. Teshbih. Donc ça peut être teshbih al-khaliq bil-makhluq ou teshbih al-makhluq bil-khaliq. Mais ensuite, on a dit, il a cité un autre terme, at-tashabbuh bil-khaliq. At-tashabbuh bil-khaliq, c'est lorsque la personne elle-même se compare au Créateur. Se prend pour le Créateur ou se compare. Veut ressembler et se comparer au Créateur. C'est ça, at-tashabbuh. C'est ça ce que l'auteur sous-entend ici. Quant à vouloir ressembler au Créateur, comment cela peut se faire? Vouloir se comparer au Créateur. Comment cela peut se faire? Il va citer. Cela consiste à se donner de l'importance à outrance et à s'enfler d'orgueil. Et à s'enfler d'orgueil. L'individu prêche aux autres de l'encenser, de le vénérer, de le craindre, de reposer ses espoirs et ses craintes sur lui. En d'autres termes, c'est quand la personne s'enorgueillit, fait preuve d'orgueil et veut, par vanité, que les autres se soumettent à lui, que les autres le vénèrent, dans le sens qu'il soit vénéré, que les gens tirent tout leur espoir, mettent et reposent tout leur espoir vers lui, leur crainte vers lui. Cet individu ici se compare, veut yatashabba, il veut ressembler, se comparer à qui? Au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, celui-ci, cet être qui va se comporter de la sorte, l'auteur dit, cet être qui va se comporter de la sorte, alors méritera donc que le Créateur le rabaisse et l'humilie. Le rabaisse et l'humilie. Il mérite donc qu'Allah l'humilie. À l'extrême, le jour de la résurrection, en lui donnant la taille d'une fourmi rouge, une toute petite fourmi. Une toute petite fourmi que les hommes vont piétiner. Que les hommes vont piétiner, comme c'est rapporté dans un récit par Al-Bukhari, mais pas dans l'authentique, dans Adab al-Mufrad. Al-Bukhari le mentionne, mais pas dans l'authentique, il le mentionne fi Adab al-Mufrad. Et c'est jugé bon, authentique par des spécialistes en la matière. D'ailleurs, il va citer le hadith. Pourquoi? Parce que dans un récit, dans le recueil authentique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclare qu'Allah a dit, Allah le Tout-Puissant a dit, la grandeur est mon izar. Et mon izar, je vais rester sur le terme en arabe. Et l'orgueil est mon rida. Et mon rida. Rida, c'est une sorte de cap. C'est une sorte de cap. La grandeur, al-kibriya. Alors Allah Azza wa Jal dit, la grandeur est mon izar, et l'orgueil est mon rida. Je châtirai quiconque me les rivalise. Me les rivalise. C'est-à-dire que ça n'appartient qu'à lui. Si le simple fait, ensuite l'auteur dit, on va s'arrêter sur ce hadith-là, mais on continuera dans une prochaine assise. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et on reprendra sur l'évocation de ce hadith. Donc ce hadith, c'était la traduction de du hadith lorsque le prophète sallam dit Yaqulullahu Azza wa Jal Al-Azamatu Izari. C'est l'Azama qui a été traduit par la grandeur. Al-Azamatu Izari Wal-Kibriya'u Rida'i. Faman naza'ani wahidan minhuma azzabtuhu. Et dans la traduction littérale du récit, Al-Azama, Allah dit que c'est son Izar. Et Al-Kibriya, souvent traduit par l'orgueil ici, c'est son Rida. Et Allah n'accepte pas qu'on se rivalise à lui dans cela. Qu'on lui dispute cela, si vous voulez. C'est pour ça que celui qui ensuite, qui essaye de rivaliser avec Allah dans cela, donc yatashabba. Là, c'est le terme tashabbu que l'auteur cite. On va s'arrêter là, inshallah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.